Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi nahmaduh, wa nasta'inuhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On commence aujourd'hui ce nouveau livre, cette nouvelle étude de cette risale المفيدة الجميلة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Ce livre il est traduit, il est connu en français par l'arbre de la foi et minal mufid pour nos frères, khasatan ceux qui ont les capacités, ceux qui ont un minimum en langue arabe, ceux qui arrivent à au moins déchiffrer, c'est de suivre le dors avec le livre en arabe. Hada c'est anfa ya ikhwan. Amma daiman rester avec les traductions, ça ne t'aidera pas à progresser. On conseille à nos frères et on a propagé le livre en arabe, de faire des efforts pour suivre en arabe. Voilà, s'ils ne comprennent pas un mot ou une jumla ou une partie, de revenir au livre en français pour simplifier. Et ensemble, incha'Allah ta'ala, on essaiera de faciliter, comme on a l'habitude de faire dans nos durus, bi'idnillah jalla wa'ala. Qala rahimahullah, alhamdulillah. الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار وسقاها وغداها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء الليل والنهار. قال الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان. هذا سنمونتر كما تقدم dans notre premier درس أن من أعظم النعم, parmi les plus grands bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est هذا الإيمان, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala avec nos faiblesses, malgré nos faiblesses, de croire au prophète Muhammad alayhi salatu salam. Et ma هذا on a des manquements, lakin le fait de croire c'est une ni'ma azima. Fali هذا akhi al-karim, pour reconnaître encore plus cette ni'ma et sentir que Allah subhanahu wa ta'ala t'a élevé et t'a favorisé ala kathirin minan nas, regarde autour de toi combien de personnes ils sont privées min hadhihi an-ni'ma. Kam minan nas ayyadan billah, ils se sont éloignés très très loin dans l'égarement. Al yahoud wal nasara, ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala il a un enfant. Al mulhidun al malahida de notre époque, انهم لا يؤمنون برب ولا نار ولا جنه ولا بعث ولا شيء. Ils vivent comme des animaux, بل ils sont encore plus égarés, بل هم اضلوا سبيلا. تامل حال الروافض الانجاس الارجاس كذلك. Ils vivent comme des animaux ou encore pire. انهم يعبدون الاوثان, ils adorent les tombes, ils exagèrent, ils combattent les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala min as-sahaba radi Allah anhum. Avec cette analyse du contexte d'aujourd'hui, Ihmadillah. Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois au messager alayhi salatu salam, tu fais salat, tu essaies de faire des efforts fil ilm, tu fais des efforts pour t'écarter des péchés, fahmadillah. Qala alhamdulillah alladhi gharasa shajarat al-iman fi qulub ibadihi al-akhyar. Et ça nous montre anna hadha al-iman et hadha al-huda que al-mu'minun ils ont dans le cœur, c'est min Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés. Wa illa fa nos efforts et notre shukr, en haqiqa, dans ahyanan, c'est très très faible. Enfin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne et qu'il nous guide. Qala wa saqaha wa ghadhaha bil ulum an-nafi'a wal ma'arif as-sadiqa wa al-lahji bi dhikrihi ana al-layl wa an-nahar. Qala wa ja'alaha tu'ti أكلها وبركتها وكل حين نعم ريبيت وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار نعم قوله revient أسقاها وغذاها بالعلوم النافعة سنمطر أن هذا القلب وهذا الإيمان تأوبليجي أخي الكريم de faire des efforts pour le préserver. تقدم معنا أن c'est une ni'ma, c'est un énorme bienfait. Beaucoup de gens, ils ont été privés de ce bienfait à cause de leur péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Lakin, n'oublie pas de faire des efforts. Celui qui a l'iman, il n'a pas de garantie annahu il mourra à l'iman, sur la foi. Donc on n'a aucune garantie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé d'un zaman, d'une époque viendra, un rajul yusbih mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Il a informé d'une époque, certains le matin ils seront croyants et le soir même ils n'auront plus de foi. Ça sera des kuffars. Et d'autres le soir ils seront croyants et le matin ils ne seront plus croyants. Ça nous montre qu'on doit tout faire pour préserver هذا l'iman. Et comment préserver هذا l'iman? بالعلم. قال وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة. Donc fais des efforts pour préserver هذا l'iman. Et c'est le but de cette risala. Le Cheikh Saadi rahimahullah, il a cité beaucoup de points importants sur la foi. Et on le répète, min a'zam al-asbab, c'est de faire des efforts bil-'ilm. Tu dois apprendre c'est quoi la foi. C'est quoi les piliers de la foi. Tu dois apprendre ces piliers. Tu dois mettre en application. Qala rahimahullah wa ja'alaha tu'tiya wa kulaha wa barakataha kull hin min al-khayrat wa an-ni'am al-ghizar. Donc ça nous montre que هذا الايمان c'est une ni'ma اولا. C'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, tu dois le préserver. Tu dois le préserver avec la science, avec le dua. Et t'écarter de tout ce qui contredit هذا الايمان ou il peut le diminuer. Thalithan, ان هذا الايمان celui qui le haqqaq et il croit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de croire, comme Allah azza wa jalla nous a ordonné de croire, comme as-sahaba radiyallahu anhum, ils ont cru, فهذا, il aura d'énormes fruits, ce iman, et lui donnera d'énormes profits, ici-bas et dans l'au-delà. قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Si on a le même iman que ceux qui étaient avant nous, min al-anbiya wa rusul, وَأَتْبَعِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَنْ سُرَى guidé. Et celui qui est guidé, فَالْحَمْدُلِلَّهِ il aura réussi ici-bas et dans l'au-delà. قَالَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْكَرِيمُ الرَّحِيمُ الْغَفَّارُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الرَّسُولُ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْأَخْيَارِ. أَمَّا بَعْدُ, هَذَا كِتَابٌ يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين. تذكرون أن dans le cours précédent on a dit أن السيرة, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant la parole d'Ibn Qayyim, أنه c'était un des points les plus importants de notre دين. Et النبي sallallahu alayhi wa sallam, الإيمان به, ça fait partie de هذا الإيمان. لأن من الإيمان الإيمان بالرسل, croire aux prophètes et aux messagers, c'est une obligation. Celui qui ne croit pas en un prophète ou un messager, c'est pas un mu'min. Même s'il croit en Allah, même s'il croit au paradis et à l'enfer, c'est plus un mu'min. Falihada, al-iman, c'est asluddin, c'est la base de notre foi. Et c'est le domaine le plus important. Et la sirah qu'on étudie ensemble dans le premier cours, c'est une partie de had al-iman. Ay al-iman bin nabi alayhi salatu salam. Qala, هذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين. Donc c'est un livre qu'il a écrit, rahimahullah, très résumé, consacré sur l'iman. Et la définition de la foi, les fondements de la foi, les fruits, الثمرات. قال رحمه الله وأعظم أصول الحق واليقين مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره. Et ça c'est les bases, les références, les sources pour comprendre notre din avec الحق, le Coran et la Sunna. أما انحرف في هذا الباب كثير من الناس المرجئة والخوارج والأشاعرة والمعتزلة والجهمية. Ils se sont égarés في هذا الباب, باب الإيمان, dans la définition, dans la compréhension. لماذا؟ لأنهم ils ne sont pas revenus au Coran et à la Sunna. Chaque groupe Et il l'explique par rapport à sa position. Mathalan al-Khawarij, vu qu'ils ont du rouleau, vu qu'ils exagèrent, ils ont de la shidda, ils ont de la dureté envers les croyants. Et vu que pour eux, ils ont ce mabda, celui qui fait un péché, un grand péché, enfin, il n'a plus la foi, et ils se sont égarés. Wa kaffaru al-usa min al-mu'minin. Ils ont suivi leur passion. Tu trouves un autre groupe, al-Murji'a, pour contrer al-Khawarij. Ils ont exagéré un autre extrême, et ils ont dit, même si le mu'min fait un péché, un grand péché, ça reste un mu'min. Et c'est haq, ça reste un mu'min, tant que c'est pas un péché qui fait sortir de l'islam. Lakin, ils se sont égarés à cause des passions. Et les malades, les anahoum, ils ne sont pas revenus à ces deux sources que Cheikh Saadi l'a cité. Faqalou anna l'iman la yazid wa la yankus. Et indahoum al-mu'min al-asim, même s'il fait une kabira min al-kabair, il a le même iman que Jibril ou Abi Bakr, etc. Radiallahu anhu. Hada c'est min al-dalal. Ça nous montre l'importance encore plus, ya ikhwan, dans ce genre de sujet, al-iman. C'est le fondement de notre dîn, c'est la base de revenir et de se baser sur le Coran ou le Sunnah avec la compréhension des salafs. Il des extrêmes. Et suis le juste milieu et accroche-toi à la voie des salafs, tu seras à la khayr. Il dit, et tu as كثير من مجملاته اي السنه تعبر عن كثير من مجملات القران اي السنه تفسر القران. Beaucoup de versets ne sont pas détaillés, tu trouves les détails, les précisions dans la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. فلا بد من هذين المصدرين. Tu peux pas te suffire que d'un, comme ils ont fait certains égarés. On avait détaillé ça dans la réplique contre la secte des Qur'aniyoun. Ils ont prétendu que la seule source était le Coran. Ils se sont égarés. Hein. Voilà le ba'id, les ulama, ils les ont fait sortir de l'islam. Qala wa tufassilu kathiran min mutlaqatihi mubtadi'an bi tafsiri. Aïe. Il est revenu, rahmatullah alayhi, pour montrer le contenu de ce livre. Mubtadi'an bi tafsiri. Aïe, tafsir al-iman. Il a commencé, rahimahullah, par expliquer c'est quoi l'iman. Lughatan wa istilahan. Linguistiquement et par rapport à notre din, par rapport au texte, c'est quoi la foi? Qala muthanniyan bi dhikr usulihi wa muqawimatihi. Thumma, il a cité les fondements de la foi. Qala wa min ayyi shay'in yustamad. Les sources. Qala muthallithan bi fawaidihi wa thamaratihi. Et ça, c'est min anfus al-abwab. Il a cité al-thamarat. Si on haqqaq hadha al-iman, il y aura des fruits profitables dans notre vie de tous les jours. Et on espère يوم القيامة. قال وما يتبع هذه الأصول. Et d'autres points. Lakin, le livre, il est fondé donc sur ces trois points. La définition, les fondements et les fruits de la foi. قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الشيخ سعدي رحمه الله il a fondé, il a basé son livre sur ce verset, ou ces deux versets de sourate Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé, il a cité هذا المثل العظيم entre كلمة التوحيد, la parole de l'Iman, لا إله إلا الله, il l'a comparé عز وجل à un arbre, à شجرة. Cheikh Saadi rahimahullah, il s'est basé sur ce verset et il a écrit ce livre pour montrer l'importance de hadal iman, les fondements de hadal iman. C'est quoi qui contredit hadal iman? Si on haqqaq les iman, la foi, c'est quoi les fruits qu'on pourra profiter ici-bas avant l'au-delà? Qala famathala Allah kalimat al-iman allati hiya atyab al-kalimat bi shajaratin hiya atyab al-ashjar. وجاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé المؤمن أي c'est dans le cœur de ce مؤمن qui a l'iman, il a comparé ce مؤمن à un arbre. Et ابن عمر رضي الله عنه il connaissait la réponse, il n'a pas osé répondre devant النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il aura posé la question. Un arbre qui ressemble au مؤمن, qui c'est qui le connaît? Certains, ils ont dit tel arbre, tel arbre, tel arbre. Ibn Umar, radiyallahu anhu, il a pensé à Nakhla, au palmier. Il n'a pas osé le dire. لماذا؟ لأن à cette époque il était très très jeune, il était avec son père Omar رضي الله عنهم أجمعين. Quand ils sont sortis de cette assise, et Ibn Omar, il a informé son père, Anahu, il connaissait la réponse. Il lui a dit, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, dans mon cœur j'ai su que c'était un nakhla, le palmier. Et Omar radiyallahu anhu, il a dit à son fils, si tu l'aurais dit, pour moi ça aurait été mieux que kada wa kada. Al-hadith. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala mathala kalimat al-iman bi shajaratin hiya atyabu al-ajjar. Avec cet arbre, un nakhla, comme wadhiha fi as-sunnah, قال موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة أصولها ثابتة مستقرة ونماؤها مستمر وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل. قال في الحاشية أي تدخل. قال والغلة الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن. نعم أي الفوائد لبخوفي. donc الله سبحانه وتعالى إلى ستة هذه الشجرة avec son asl, la base, كذلك avec un neuf, al mustamir, cette chajara est profitable tout le temps, et celui qui fait le lien entre al mu'min avec son iman et cet arbre, il trouvera d'énormes fawaid. قال رحمه الله وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما. هذه الشجرة ستغب كي dans le cœur des croyants أي الإيمان متفاوت. On n'a pas tous le même إيمان. الإيمان يزيد وينقص. Et à partir de là, on s'aperçoit de l'importance d'étudier ce genre de livre. Vu que Al-Iman, c'est la cause pour que le mu'min soit sauvé ici-bas et dans l'au-delà. Et vu qu'on sait que Had al-Iman, il monte, il descend, il peut disparaître. Kadhalik, on sait que An-Nas Mutafawitoun, on n'est pas tous pareils, niveau Iman, niveau foi. Enfin, la question qu'on peut se poser, comment faire pour avoir un Iman Qawi? Comment faire pour augmenter ce Iman? Comment faire pour préserver ce Iman, pour ne pas le perdre? En général, l'être humain, quand il a une ni'ma, On le voit avec ceux qui ont de l'argent, مثلاً. Cette ni'ma qu'ils ont, ils font tout pour la préserver. بل, كثير من هؤلاء, ils font tout pour que cet argent, ils leur apportent des autres profits. إما ils investissent, إما ils font des placements, إما ça peut être dans le halal, certains c'est dans le haram. المهم, pour vous montrer قصد هؤلاء par rapport à cette ni'ma. Pour ceux, bien sûr, qui l'ont gagné dans le halal et qui le dépensent dans le halal. Et ça peut être une niqma pour ceux qui l'ont eu par un moyen haram ou qui le dépensent dans le haram. À la kulli hal, le procédé, ils le préservent. Et s'ils peuvent avoir plus, ils font plus. Ça, c'est sûr, avec de l'argent. Cet argent, il disparaîtra. Et c'est une courte durée. Ça peut être une énorme fitna. Enfin, un taïe akhil karim, tu es un 15. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné un trésor. Ce trésor, il est dans ton cœur, c'est al-iman. Et ce livre, bi'idnillahi azza wa jal, c'est un moyen très très profitable pour reconnaître cette ni'ma, pour la préserver, pour l'augmenter, pour la connaître. C'est pour ça que le Cheikh Saadi, il a écrit هذا الكتاب قال وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصف الله بها. Et par rapport à ces أوصاف, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans ce verset. قال فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها. donc الله سبحانه وتعالى t'a donné هذه النعمة. et من التوفيق c'est que tu préserves cette ni'ma et tu fasses des efforts pour la connaître, pour l'augmenter, pour la préserver, pour la développer. قال ويجتهد في التحقق بها علما وعملا. سيأتي معنا أن هذا الإيمان on a dit et on le redira, Cheikh Saadi l'a dit et dans les textes c'est واضح أن الإيمان c'est dans le cœur, لكن ça ne veut pas dire que c'est que dans le cœur. Là, voilà, c'est dans le cœur et ça se voit dans الجوارح, dans les membres. فلهذا celui qui œuvre, enfin ça montre أن son إيمان il est صحيح. أما celui qui délaisse les œuvres, ça dépend de son délaissement. كما سيأتي معنا. قال ويجتهد في التحقق بها علما وعملا فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. هذا كلام عظيم نفيس. نصيبك من الخير والفلاح والسعادة. Et on espère tous cela. Et la part que tu auras ici-bas et dans l'au-delà, comme bien, comme réussite, comme bonheur, c'est par rapport à ta part de cet arbre et de la foi. Celui qui se consacre à cette foi, qui fait des sacrifices, qui fait des efforts pour que sa foi l'augmente et ne se contredit pas, il met en application, plus il fait des efforts, plus il sera heureux ici-bas et dans l'au-delà. Et plus l'insan il a des manquements, plus il délaisse, plus il aura des manquements et il s'écartera du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui délaisse complètement hada l'iman, comme c'est le cas des ennemis de l'islam, min yahoud wa nasara wa mushrikin, ils n'ont aucune part de bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim rahimahullah, pour détailler le verset qu'on a lu, min kalam al-shir sa'di min surat Ibrahim, et la comparaison de kalimat al-iman, kalimat al-tawhid avec l'arbre de la foi, avec l'arbre, avec al-shajara, Ibn al-Qayyim rahimahullah, lahu kalamun jamil. Dans sa risala sur Al-Amthal fi Al-Qur'an, كذلك ce kalam il est cité fi Bada'i' al-Tafsir de Al-Imam Al-Qayyim. Ils ont rassemblé toutes ces paroles concernant les versets, ils en ont fait un tafsir. Wa illa Ibn Al-Qayyim rahimahullah, il a pas écrit de tafsir. En tout cas, on n'a pas de tafsir imprimé de lui. Hada c'est un jam'. Certains ils ont rassemblé ces paroles. فعند قول الله عز وجل لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الإمام ابن القيم رحمه الله قال فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. Tu as deux choses. Tu as الكلمة, la parole. Une bonne parole, kalimaton tayyiba, et c'est la ilaha illallah. C'est la foi, c'est l'islam. Et tu as une shajara tayyiba, et tu as cet arbre. قال لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع. Comme l'arbre, c'est une source, c'est une cause pour que des fruits y poussent. ثم des gens y profitent de ces fruits. فهكذا هذه الكلمة الطيبة الإيمان la foi التوحيد l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى c'est une source pour avoir des fruits tous les jours et des œuvres pieuses. Enfin, tu as l'arbre et tu as le kalima et la parole et l'arbre ils ont des fruits. Les fruits de l'arbre c'est des fruits connus et les fruits de cette parole c'était bonnes œuvres أخي الكريم. قال رحمه الله وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فكل عمل صالح مرض لله فهو ثمرة هذه الكلمة. N'importe quelle œuvre que tu fais, أخي المؤمن, cette œuvre, c'est le résultat, c'est la conséquence de cette foi. Kalimatu at-tawhid, la ilaha illallah. La preuve, c'est que celui qui contredit, qui annule, هذه الكلمة الطيبة التوحيد, avec du shirk par exemple, avec du kufr de la grande mécréance, toutes ces œuvres, elles sont annulées. قال عز وجل, لئن أشركت ليحبطن عملك. Et si la base, elle est corrompue, elle est annulée, elle disparaît la foi, les œuvres, كذلك, et les œuvres ne sont d'aucune utilité. Donc ça nous montre le lien entre la foi et l'amal, comme le lien qu'il y a entre l'arbre et les fruits. قال رحمه الله ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بتحقيقها أو بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها فما رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصاف قلبه بها إلى آخره. Ça, ça nous montre ماذا؟ Ça nous montre أن هذه الثمرات, ces fruits de cette foi que le mu'min il a et ses œuvres pieuses, C'est par rapport à cette base, à la foi. Et plus l'iman il est qawi, plus l'insan, le moumin, le croyant, il est sincère, il fait des efforts pour augmenter cette foi, il aura beaucoup de facilité à œuvrer. Et ça, ça nous montre la réponse à une question très très importante. Pourquoi ahyanan on n'arrive pas à mettre en application? Pourtant on croit, pourtant on a la conviction, mais ahyanan on a du mal. Pourquoi le cœur si faiblit dans la foi, automatiquement ça a un impact sur l'amal. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Ça nous montre qu'il y a le lien entre le cœur et la mise en application, l'amal. Donc, Akhil Karim, si tu as des manquements, on a tous des manquements. La solution, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui raffermisse notre foi, qui nous augmente l'iman. Si notre foi augmente, on aura beaucoup plus de facilité bi-idhnillah azza wa jal. Qala rahimahullah wa al-maqsoud anna kalimat al-tawhid idha shahida biha al-mu'min arifan bima'naha wa haqiqataha nafyan wa ithbatan muttasifan bimujabiha qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu bishahadatih hadhihi al-kalimat al-tayba hiya allati rafa'at hadha al-amal min hadha al-shahid. Si on fait des efforts pour haqqaqa hadhihi al-kalima, ay shahadatu an la ilaha illallah, faire des efforts pour renforcer notre tawhid, pour apprendre notre din, ça, on verra que hadha al-iman, ces efforts, ces sacrifices, on en profitera ici-bas et dans l'au-delà. Et nos efforts et notre temps, on doit le passer à hadha. Ça doit être ça notre priorité. Ça doit être cela la base. Si on a cette base, cette priorité, vous verrez qu'on vivra heureux. Vous verrez que si on est prouvé, on patientera. Vous verrez que si on a des manquements, ça ne nous fera pas beaucoup de mal. Vous verrez que si on subit une injustice, que dalle, on gardera notre calme et notre sang-froid. L'imam Ali en a la base, elle est solide. Par contre, à l'axe, si l'insan est faible, la moindre chose, il peut perdre son calme. La moindre chose, ça peut lui faire énormément de mal. قال ومن السلف من قال إن الشجرة الطيبة فيه هي النخلة ويدل عليه حديث ابن عمر في الصحيح. نعم, il est صحيح البخاري. Et on l'a cité, hadith ibn Umar, et que cet arbre c'est un نخلة, le palmier. ثم قال رحمه الله. Et هذا c'est un كلام جميل. أي la comparaison entre le mu'min, le croyant, et un نخلة, et le palmier. Comme c'est cité dans le verset, هذا المثال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. Donc cette comparaison entre cette parole et cet arbre, et dans le hadith entre le croyant et cet arbre. Et là c'est un kalam jamil pour montrer pourquoi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bel Allah subhanahu wa ta'ala kadalik dans le Coran, pourquoi comparer la foi et le croyant à cet arbre, à un arbre. Et on sait que cet arbre c'est le palmier. قال والمقصود بالمثل المؤمن والنخلة مشبهة به هو مشبه بها وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك. Et هذا c'est un point important pour comprendre هذا المثل, pour comprendre cette image, cet exemple cité dans ce texte, cette comparaison entre le croyant et le palmier. Si on connaît, on a un minimum de connaissances sur les bienfaits, les mérites du palmier, on va comprendre cet exemple, cette image. قال رحمه الله وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضي علم الرب الذي يتكلم به وحكمته. ولا شك هذا, ولا شك هذا أن الله عز وجل, c'est lui qui a cité cet exemple. وهكذا le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le mu'min à un palmier. Et si Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ils ont cité cette comparaison, c'est qu'il y a énormément de profit. Ibn al-Qayyim, il a résumé certains points. قال فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر. Un arbre, c'est forcément composé de racines, un tronc, des branches, des feuilles et des fruits. C'est ça un arbre. On répète, racines, tronc, branches, des feuilles et des fruits. Qala, si tu prends l'exemple du palmier, un nakhla, enfin, bien sûr, le palmier il a des racines, il a un tronc, il a des branches, il a des feuilles, et qu'il a des fruits, et les dattes. Et les dattes, c'est min anfa al-thamarat. Parmi les fruits les plus bénéfiques, les plus profitables pour l'insan, la date. Qala rahimahullah. كذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به. Si on revient à شجرة الإيمان, l'arbre de la foi, l'arbre de la foi qui est comparable à cet arbre, le palmier. Si tu viens à l'arbre de la foi, كذلك, cet arbre il a des racines. قال فعروقها العلم والمعرفة واليقين. Les racines de l'arbre de la foi, c'est العلم et la certitude. قال وساقها, le tronc de l'arbre de la foi, c'est l'ikhlas. S'il n'y a pas de tronc, il n'y a pas d'arbre. Hakada, s'il n'y a pas de ikhlas, si l'insan n'est pas sincère, walou il prononce kalimato at-tawhid, elle est d'aucune utilité, hadil kalima. Al-munafiqoun, ils l'ont prononcé, mais ils l'ont répété. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé, annahum ils seront fi d-dark al-asfali min al-nar, ils seront plus bas fond de l'enfer. ثم قال رحمه الله وفروعها الأعمال الفروع les branches de cet arbre, l'arbre de la foi, c'est les œuvres. قال رحمه الله وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدى والدل المرضي فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيها بهذه الأمور. Les fruits de هذا الإيمان, c'est toutes les œuvres qui vont suivre. Min akhlaq tayyiba, les bons comportements, as-sifat al-mahmouda, etc. etc. Qala rahimahullah fa idha kana al-ilm sahihan mutabiqan lima'lumihi alladhi anzala Allah kitabahu bih wa li'i'tiqad mutabiqan lima akhbara bihi 'an nafsihi wa akhbarat bihi 'anhu rusuluhu wal ikhlas قائم في القلب والأعمال موافقة للأمر والهدى والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. Si l'insan il analyse son cas et il sait que ولله الحمد il fait des efforts في العلم pour renforcer هذا الإيمان, il est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, la prononciation de kalima tawhid, ses œuvres, كذلك, il améliore son comportement, etc. فهذا الحمد لله شجرة الإيمان في قلبه, cet arbre dans son cœur, il a des racines solides, il a des branches saines et il a des fruits bénéfiques. قال وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعم, كما قال الله عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Tu as une autre chagera, un autre arbre, c'est un arbre khabith, très mauvais. Cet arbre qui est fondé sur un nifaq, sur l'hypocrisie, sur la mécréance, sur le combat de l'islam. Cet arbre qui est mauvais et qui est dans le cœur, il aura un impact et des conséquences néfastes, bien sûr, sur cette personne qui a cet arbre et la mécréance et l'hypocrisie. قال ومنها, un autre point concernant toujours la comparaison entre l'arbre de la foi et l'arbre le palmier. أن الشجرة التي تبقى حية, نعم, أن الشجرة plutôt لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها فإذا قطع عنها السقي Si on revient au palmier, le palmier, kadalik, il a besoin de choses pour vivre. Cette chose qu'il a besoin, le palmier, c'est d'eau. Pour hakada, les arbres, ils ont besoin d'eau. Certains arbres, ils patientent énormément sans eau. Lakin, au bout d'un certain temps, ils meurent. Et d'autres arbres, ils sont très fragiles. Il suffit de quelques temps, quelques jours, un homme, ils ne sont pas arrosés et ils meurent directement. Hakada al-iman. قال فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر إلا أوشكة تيبس. Comme l'arbre peut s'assécher à cause d'un manque d'arrosage, un manque d'eau, فهكذا l'arbre de la foi, s'il n'est pas arrosé avec la science, avec la sincérité, avec les bonnes œuvres, avec le rappel, dhikr, avec la lecture du Coran, cet arbre il peut sécher et mourir. Ça nous montre anna hadha al-iman qu'on a dans le cœur, on doit le préserver, on doit en prendre soin comme un arbre, comme une plante, comme un enfant. Prends l'exemple d'un enfant, ton enfant, il a besoin de riaya. Tu es obligé de faire attention, le laver, le nourrir, le protéger de certaines choses, il ne se brûle pas, il ne tombe pas. Fahakada al-iman, bal al-iman c'est a'zam. Ali Adam, al-iman c'est a'zam, cet enfant, Allahu a'lam, il sera bénéfique pour toi, amla. Cet arbre, Allahu a'lam, tu vas en profiter, amla. Amma, la foi c'est ra'su malik, c'est ton capital, akhi al-karim. Qala, rahimahullah. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه لعباده أن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. ça c'est une faïda. Est-ce que cet arbre, on a donné l'exemple cadalic de l'enfant, est-ce que tu en prends soin un jour et ça s'arrête là? Là, ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture يعلمون هذا. Tôt le matin, il faut faire certaines choses. Thomas, quand il fait froid, il faut faire certaines choses. Quand il fait chaud, il faut faire certaines choses. Tous les jours, il faut nettoyer, il faut arroser, il faut couper, il faut regarder un enfant, il faut laver, il faut nourrir, il faut nettoyer, il faut. Ça nous montre mada, ça nous montre anna hadha al-iman pour le préserver, le protéger, l'embellir. C'est un travail quotidien, tous les jours. Ça commence le matin quand tu te lèves, jusqu'au soir, avec un salawat, en préservant tes salats à l'heure. Avec l'adhkar du matin et du soir, et qu'avec l'adhkar du avant de manger, avant de dormir, etc. Sabah ou al-masa, ou hakada avec al-huquq des autres, s'écarter de l'injustice, le bon comportement, suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, etc. Qala rahimahullah, anna al-ghars wa al-zar' النافع قد أجر الله سبحانه العادة أنه لابد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأذكى وإذا تركه أوشك أن يغلب على الغرس أو على الغراس والزرع ويكون الحكم له أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. كذلك ceux qui connaissent un peu ce domaine, le domaine de l'agriculture, ça demande شيء comme on a dit من العناية. ومن العناية c'est d'écarter les mauvaises herbes, les mauvaises graines. خاصة au départ, ربما il y a un mélange. Si l'arbre il est planté au mauvais endroit où il y a des racines mauvaises à côté, et l'arbre il y a un impact direct sur les fruits. Les fruits sont mauvais. Ça c'est concernant les arbres. Maintenant notre exemple le palmier. Enfin obliger cette inaya. Hakada al-islam. Hakada ta foi. Tu dois faire attention à al-bida, les innovations, al-khurafat, les inventions, les mauvaises sources. Ne pas écouter n'importe qui, n'importe quoi. Kadalik et s'écarter du shirk. L'akbar, qui annule complètement la foi, s'écarter des péchés, qui sont une cause pour eux, de diminution de la foi. Kadalik, on a cité le bid'a, les innovations. Ah, ça nous montre, Anna, cet arbre, tu dois le préserver. Wa'alam, Anna, un arbre, si on revient au palmier, en général, c'est dans un champ, c'est dans une propriété privée, ça peut être dans une forêt. Mohim, il est dans un endroit. Tu dois le préserver. Madalane, certains arbres, il faut les préserver des animaux. Khasatan, quand l'arbre n'est pas encore thabit, certains animaux, ils l'écrasent. Enfin, l'arbre de la foi, il est dans un endroit kadhalik, précis, c'est ton cœur. Wa'alam anna, ce cœur, il y a des conduits pour parvenir. Et ces conduits, c'est la vue, c'est les oreilles et c'est la bouche. Enfin, celui qui regarde du haram, qui écoute du haram, qui parle ou qui mange du haram, ça va avoir un impact direct dans son cœur. L'imam d'Aliana s'y conduit, cette chose haram, elle va attaquer le cœur. Wahakada encore plus grave, al-shubha, le fait de lire des livres d'égarés, d'écouter des égarés. Cette shubha, elle va trouver son chemin par ce conduit, il a vu Aouloui, et elle va directement attaquer al-iman. On doit préserver had al-iman avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme moyen. Avec notre argent, avec nos efforts, avec قبل ذلك avec dua en fréquentant les bonnes personnes. قال ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبير وهو لا يشعر. Comme celui qui n'a pas de connaissance. مثلاً on قدر واحد يبغى investir dans un champ de palmiers ou un autre arbre pour un fruit quelconque, il n'a aucune معرفة. ربما il va investir de l'argent et il va faire beaucoup d'efforts. Il va veiller la nuit, il va se lever tôt, etc. Et à la fin, à cause d'un manque de connaissances, à cause d'un manque d'expérience, peut-être qu'il ne va pas gagner grand-chose. Peut-être qu'il va être perdant, surtout les premières années. Enfin, que dire de l'Iman ? Celui qui ne fait pas attention, celui qui ne préserve pas. Obama, des années et il se fait du mal. À cause de son ignorance, à cause de son manque de sérieux, à cause de ses fréquentations, à cause de ses mauvaises sources. قال رحمه الله فالمؤمن دائما سعيه في شيء سقي هذه الشجرة والتنقية ما حولها. Ça, ça doit être l'objectif de notre vie, ikhwan. L'objectif de notre vie, chacun de nous. Al-mu'min da'iman, le croyant, toujours, sa'yuhu il est fiché. Toute ta vie, tes efforts, ça doit être dans deux choses. Et ça doit être ta priorité. Saqi hadhihi shajara, arroser cet arbre que tu as dans ton cœur, la foi. Wa tanqiyati ma hawlaha. Et nettoyer ce cœur et préserver ce cœur. Ce cœur, il est dans ce récipient, dans cet enclos, dans ton cœur. Enfin, protège-le. Comme tu protèges ton enfant chez toi, comme tu protèges cet arbre, si tu as un arbre, enfin, protège ce cœur. قال فبسقيها تبقى وتدوم وبتنقية ما حولها تكمل وتتم. En l'arrosant, arrosant la foi avec la science, avec la lecture du Coran, avec les assises de science, avec al-adhkar, les invocations du matin, du soir, etc., tu vas arroser هذا الإيمان. قال وبتنقية ما حولها تكمل وتتم. Et en le préservant, فبإذن الله عز وجل, tu mourras à la khair. لماذا؟ لأن c'est ça l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est la fin. قال والله المستعان وعليه التكلان. قال فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من بحر. Ça, c'est un quelques points qu'il a cité, rahimahullah, huna, concernant cette comparaison entre l'arbre de la foi et l'arbre du palmier. Et la chèque, annahu, rahimahullah, il aurait pu détailler akthar, wal'allahu, il a détaillé dans d'autres livres encore plus, et certains savants, ils ont détaillé kathiran fi hada, lakin, vu qu'on est limité par le temps, et l'essentiel, c'est de profiter, de résumer pour qu'on avance dans nos prochains durous. فلعل سكون أسيتي من كلام ابن القيم فيه كفاية ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق والإعانة إلى هنا notre prochain cours إن شاء الله تعالى jeudi ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وأن سدن غنديو إن شاء الله تعالى jeudi à la même heure والحمد لله رب العالمين.